Radio Free Gaza. Radio. Radio Free Gaza. Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux. Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h. En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM. Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles. Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous. Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza, à la fois sur Radio Air Libre et Radio Panique. Bonjour Stéphanie, bonjour Suzy. Et bienvenue à toi Hans. Merci Stéphanie. Peux-tu nous raconter où on en est aujourd'hui avec la flottille ? Oui, et donc cette flottille a fini par quitter pour la deuxième fois le port de Barcelone. Cette fois-ci, c'est la bonne, après un avis météo très très très défavorable. Et donc ils sont partis, mais effectivement, la météo n'était toujours pas optimale dans les premières heures. Et donc pendant la nuit, ils ont essuyé un orage électromagnétique très important qui a déréglé, qui a coupé les communications de l'entièreté de la flottille. Donc ils n'avaient plus qu'un visuel entre eux, ce qui est un vrai problème. Et donc c'est en train de se régler petit à petit. La communication revient pas encore sur tous les bateaux, mais presque. Et voilà, et donc ça fait exactement partie de ce qui est incontrôlable dans la navigation, la météo. Voilà, et donc heureusement qu'il y a de nouveau des communications. Comme ça, nous aurons une participante de la délégation belge, notamment Sadi Choua, qui est sur un des bateaux et qu'on va essayer d'appeler maintenant. Allô ? Allô Sadi, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Ah, super. Tu es sur un des bateaux de la flottille. Oui. C'est quel bateau ? C'est Estrella Emmanuel. OK. Et nous avons entendu que vous avez eu pas mal de problèmes pour partir, notamment à cause d'une tempête. Comment ça va pour l'instant ? Oui, c'est vrai. Pour l'instant, ça va beaucoup mieux, mais cette nuit, c'était vraiment très, très dur. Notre capitaine avait dit que c'était vraiment du rock'n'roll, Metallica, il avait dit. Donc c'était lourd pour tout le monde. En plus, il y avait beaucoup de gens dans mon bateau qui étaient malades. Heureusement, je n'étais pas malade. Mais tout le monde est ici, mais on reste quand même le moral. Donc je dois dire que de toute façon, tout se passe bien. Oui. Et votre bateau, c'est un voilier ? Non, notre bateau, c'est un très, très, très vieux bateau de pêcheurs. Oui. Donc, les conditions pour nous, enfin, on va dire conditions de luxe, où il n'y a pas de luxe, on va dire. Il n'y a rien du tout. Mais le bateau même est très robuste. Donc là, ça va. Ça, c'est vraiment bien. Oui. Ouais. Mais donc c'est un vrai vieux bateau de pêcheurs. Et vous êtes combien à bord? Nous sommes une dizaine, enfin une 9 ou 10 personnes participants et puis le crew. Et on vient de 4 continents, on peut dire. Ah oui? Donc on a vraiment une bonne diversité des gens qui viennent de tout le monde, du monde partout. Et d'où viennent les autres? D'Argentine, de Malaisie, France, Turquie, Maroc, la Suède, Scotland. Ah ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est El Salvador. Ouais. Et quel est le temps prévu pour les jours qui viennent? On nous a dit, je ne sais pas moi, on nous a dit que la Méditerranée, la mer ici, on ne sait vraiment pas, comment dire, toujours savoir à l'avance. Donc, on espère pour le mieux. De toute façon, maintenant, c'est vraiment calme ou assez calme, c'est vraiment chouette. Et les gens qui ont été malades, ils vont mieux maintenant? Non, enfin, ils vont mieux, oui, et pas. Ah. Il y en a qui sont encore toujours en train de dormir. Je crois que c'est moi, ouais, enfin, que tout le monde. Moi, je n'ai pas vomi, mais presque tout le monde a vomi. Donc, non, mais ça va. Ça, de toute façon, tu vois, on est ici pour Gaza, donc c'est plus facile pour nous d'accepter tout ça. Parce qu'on sait que, voilà, on va se sentir mieux bientôt. Donc, c'est ça un peu le moral ici, que tout le monde se respecte aussi. On sait que quelqu'un est malade, on lui laisse dormir. Parce qu'on a aussi, bien sûr, des tâches sur le bateau. On doit cuisiner, on doit nettoyer. Il y a plein de choses à faire. Ah, aussi. Oui. Surtout dans un bateau comme mon bateau, c'est pas facile. Donc, on doit à chaque fois ranger la cuisine, parce que la cuisine est très, très, très, très, très petite. On ne peut même pas cuisiner dedans, en fait. Donc, et la salle de bain, c'est juste une toilette, c'est tout. Il n'y a pas de salle de bain, on va dire. Donc, il faut juste prendre je ne sais pas comment dire, mettre de l'eau sur soi. Et voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et on dort, tout le monde dort dans une pièce. Mais moi, par exemple, pendant la tempête même, j'ai dormi sur le bateau, dehors. Mais puis, à un moment, il commençait à pleuvoir très, très, enfin, vraiment beaucoup, et alors je suis allée à l'intérieur pour dormir. Ah oui, donc c'est assez sportif, en fait. C'est ça. De voyager sur ce bateau. Oui, c'est vraiment, ouais. Je crois que pas beaucoup de gens voudraient faire ça comme ça, mais il n'y a personne qui se complaint. Allez, c'est pas mal. Vous avez le moral. Oui, okay. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire aux gens ici en Belgique? Je crois que, enfin, il y avait des gens qui m'ont contacté pour demander, est-ce que vous êtes de retour et tout ça. Mais on a eu quelques problèmes parce qu'il y avait les tempêtes et puis aussi il y a les bateaux. Mais de toute façon, on va vers Gaza, on fait tout pour aller à Gaza parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Et il y a plein de gens qui s'occupent de nous pour que nous, on soit en sécurité à chacun moment, aussi pendant les tempêtes. Donc, voilà. Mais je crois qu'on est ici pour faire quelque chose. Donc, on n'a pas de temps à perdre non plus. Donc, on est sur le bateau et on essaye de suivre le programme. Oui. Et ben, et suivez-nous et supportez-nous. En Barcelone, avec le départ, il y avait tellement de gens et ça nous aide aussi toujours que les gens viennent nous dire qu'ils veulent aussi que le génocide s'arrête à Gaza et plein d'autres choses aussi, bien sûr. Donc, il faut, pour les gens qui restent en Belgique, il n'y a pas cette action seulement. Il y a autre chose à faire aussi. Donc, oui. Et ça, c'est à vous. Oui, oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sadi. Merci beaucoup, Sadi. Juste une chose, emportez avec vous et dis-le à tous tes camarades sur le bateau que vous avez énormément de soutien ici, qui vous accompagne. D'accord? En pensée. Okay, vraiment. Merci beaucoup, parce que ça aussi, ça nous tient debout. Ouais. On voit que beaucoup de gens sont derrière nous et c'est vraiment, c'est pas seulement nous qui, enfin, tout le monde est sur les flottilles, ouais, là, maintenant. C'est ça. Là, c'est pas seulement nous. Voilà. C'est ouais. Exactement ça. Merci. Oui, merci. Ok. On va poursuivre alors avec l'interview avec François Dubuisson sur la notion de génocide dans le droit international. C'est interdit d'être ici. Hein. François Dubuisson. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle François Dubuisson, je suis professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles et je suis notamment spécialiste des aspects juridiques du conflit israélo-palestinien. Oui. Quand on parle de Gaza, on parle souvent de génocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notion de génocide dans le droit? Oui, alors la notion de génocide, elle va naître dans les suites de la Deuxième Guerre mondiale et du génocide qui a été commis envers la population juive d'Europe, mais également la population tzigane. Et suite à cela, on a, sur le plan international, établi une convention internationale en 1948, dans le cadre des Nations Unies, la convention contre sur la prévention et la répression du génocide, qui va établir une définition qui a été largement discutée entre les États. Et cette définition, elle a plusieurs éléments. Tout d'abord, le fait qu'elle va recouper un certain nombre d'actes matériels, par exemple les meurtres, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale, mais également le fait de soumettre une population à des conditions d'existence qui met sa survie en péril. Mais la spécificité du génocide, c'est le fait que ça doit se faire dans l'intention de détruire un groupe spécifique en tout ou en partie et le détruire comme tel. Les groupes spécifiques, ce sont les groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux. Pas les groupes politiques, mais bien selon ces différents critères-là. Donc ça, c'est la définition. Alors, on va reprendre ces définitions un peu plus tard dans les statuts de la Cour pénale internationale, qui va reprendre exactement les mêmes éléments et reprendre exactement les mêmes critères. Et depuis lors, on a appliqué cette définition à différents cas. Le premier cas, évidemment, qui vient à l'esprit après la Shoah, l'Holocauste subi par les Juifs, on a le génocide au Rwanda, qui a visé les Tutsis, par principalement ce qu'on appelle le Hutu Power, c'est-à-dire les dirigeants Hutus qui ont visé spécialement la population Tutsi, avec environ 500 000 morts en quelques semaines. Et donc là, l'ONU avait établi un tribunal spécial, le tribunal pénal international pour le Rwanda, et notamment dans ses compétences, il y avait les poursuites pour crimes de génocide, et un certain nombre de dirigeants rwandais ont été condamnés pour crimes de génocide. Ça a permis de définir plus spécifiquement les critères. Le second cas dans lequel on a également appliqué, c'est dans le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et spécialement dans le contexte de la guerre en Bosnie-Herzégovine avec le massacre de Srebrenica commis par les forces serbes de Bosnie également dans les années 90, avec là aussi une décision d'un autre tribunal spécial qui avait été établi par les Nations Unies, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et qui a condamné certains dirigeants des forces serbes de Bosnie pour crime de génocide s'agissant de ce massacre qui a été commis, lui, en quelques heures, qui a visé à exécuter 8000 hommes de la population civile de Srebrenica, qui, dans un premier temps, était sous la protection des casques bleus des Nations Unies, qui avaient été capturés par les forces serbes de Bosnie, c'est-à-dire les forces séparatistes de Bosnie-Herzégovine, et qui avaient séparé les femmes et les enfants d'un côté, les hommes en âge de combattre de l'autre, et donc avaient exécuté ces hommes au nombre de 8000. Et donc ça a été qualifié de génocide dans un premier temps par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, et puis dans un second temps par la Cour internationale de justice. Là, c'était une action qui avait été entamée par la Bosnie-Herzégovine contre la Serbie et Monténégro, en estimant que l'État serbe, par l'appui qu'il avait donné aux forces serbes de Bosnie, en réalité avait commis lui-même le génocide. Alors là, la Cour n'avait pas été aussi loin, mais avait admis que Srebrenica était bien un génocide et que l'État serbe avait néanmoins un certain nombre d'obligations à cet égard qui vont nous intéresser ici pour Gaza. C'est l'obligation de prévenir le génocide. C'est-à-dire, quand bien même elle n'avait pas donné ordre aux forces séparatistes serbes de commettre le génocide en raison des liens très proches qu'elle avait avec ces forces séparatistes et l'aide qu'elle lui fournissait. Elle aurait pu s'attendre à ce que le pire soit commis et qu'un génocide soit commis, et donc elle avait quand même des obligations de prévention à cet égard en raison de l'influence qu'elle pouvait avoir sur ces forces, et donc elle a été condamnée pour avoir manqué à ses obligations de prévention du génocide, parce que effectivement, lorsqu'on parle d'actes de génocide ou de génocide, il y a déjà une phase de risque de génocide, et dès qu'il y a risque de génocide, il y a une obligation pour l'ensemble des États d'adopter des mesures de prévention, et qu'elles seront d'autant plus fortes qu'on a un pouvoir d'influence sur l'acteur qui risque de commettre un génocide. Évidemment, si on est très éloigné sans aucun lien, l'obligation de prévention aura assez peu de contenu. Par contre, si on est un allié direct d'un État ou d'un groupe armé qui risque de commettre un génocide, là, les obligations sont nettement plus importantes. Voilà, ça c'est les éléments principaux. Il y a d'autres cas de génocide qui ont été reconnus, notamment dans le cadre du Cambodge. Alors, les massacres principaux commis par les Khmers Rouges ne sont pas qualifiables de génocide parce qu'ils ont été commis pour des raisons politiques, c'est-à-dire contre leur propre population en raison plutôt de critères politiques et non pas de critères raciaux ou ethniques. Mais par contre, il y avait quand même certains massacres qui avaient une dimension ethnique contre la minorité Chams et contre les personnes d'origine vietnamienne. Donc un tribunal spécial, là également, a appliqué un certain nombre de condamnations pour crimes de génocide visant ces cas assez spécifiques. Alors si on en vient maintenant à Gaza, très vite, lorsque les opérations militaires entreprises par l'armée israélienne ont commencé suite à l'attaque commise par le Hamas le 7 octobre. Et il faut reconnaître parfaitement que cette attaque du 7 octobre était une attaque illégale et criminelle, c'est-à-dire que dès le moment où on avait pris pour cible très largement des éléments de la population civile israélienne, eh bien, il s'agissait de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, vu le caractère massif des massacres. Mais ça ne justifie en rien ni le principe même de l'opération militaire israélienne, ni évidemment pas son ampleur et les modalités qu'elle a prises, ce qui a amené très vite à identifier un fort risque de génocide. Et ce risque, il a été identifié à la fois par des historiens spécialistes des génocides, mais également des juristes spécialistes justement de la question des génocides. Parce qu'il y avait tout de suite une série d'éléments qui ont spécialement attiré l'attention de ce point de vue-là. Une très large déshumanisation de la population civile de Gaza, de la population nationale palestinienne de Gaza. Donc c'est bien un groupe protégé à cet égard au regard de la Convention sur le génocide, avec ses propos les assimilant à des animaux humains, en décrétant immédiatement un blocus total sur l'accès aux vivres, à l'essence, à l'électricité, c'est-à-dire toute une série de biens essentiels pour la vie. Donc toute une série de déclarations de dirigeants israéliens, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le premier ministre Netanyahou, se référant à des épisodes bibliques qui avaient amené à la destruction pure et simple de populations par des tribus juives à l'époque, hein, la référence à Amalek qui incarne en quelque sorte le mal absolu dont il faut se débarrasser. Également sur le terrain, par des soldats se filmant avec des slogans génocidaire ou en tout cas totalement déshumanisant pour la population palestinienne. Et également les opérations sur le terrain, c'est-à-dire très vite des bombardements indiscriminés, des bombardements prenant pour cible les hôpitaux et donc ayant pour effet de mettre à mal tout le système sanitaire. Et puis ce blocus, ces entraves très substantielles à l'acheminement de l'aide humanitaire qui va ces dernières semaines culminées par une famine reconnue comme telle visant des centaines et des centaines de milliers de Palestiniens avec les effets qu'on peut constater aujourd'hui. Donc sur cette base-là, très tôt, on a alerté sur ce qui était en tout cas à l'époque un risque de génocide. Ce qui a amené d'ailleurs l'Afrique du Sud, fin 2023, à entamer une action devant la Cour internationale de justice basé sur la convention relative à la répression et la prévention du crime de génocide, auquel Israël est également partie. Donc ça donnait une compétence pour porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Et ça a amené la Cour à, en urgence et à la demande de l'Afrique du Sud, prendre ce qu'on appelle en droit des mesures conservatoires, c'est-à-dire sans attendre l'issue finale de la procédure qui prendra plusieurs années, eh bien, il y avait la possibilité tout de suite d'ordonner des mesures aux deux acteurs, aux protagonistes, et en particulier évidemment à Israël, ordonner des mesures d'urgence pour préserver les droits de la population palestinienne à ne pas subir un génocide. Et donc, la Cour a adopté trois ordonnances dont on peut déduire qu'il y avait, selon elle, un risque plausible de génocide. Et ces ordonnances, elles visaient à la fois les opérations militaires comme telles, notamment celle de Rafah, par exemple, mais également et principalement les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire. Oui, et donc, ici en Belgique, on parle beaucoup de la vente d'armes ou le transfert d'armes et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais en fait, la Belgique est déjà dans l'obligation d'essayer de prévenir le génocide. Tout à fait. Donc, comme son nom l'indique, la Convention de 1948, elle prévoit la prévention du génocide. Donc toute l'idée, normalement, c'est d'éviter qu'on en arrive à des actes effectifs de génocide, et donc de prévenir lorsque des éléments alertent sur un possible génocide, notamment parce qu'il y aurait des déclarations ou parce qu'il y aurait des opérations militaires ou des massacres qui font craindre un génocide plein et entier. Et donc les obligations à charge de l'ensemble des États se déclenchent dès qu'on peut identifier ce risque. Donc on n'a pas à attendre qu'une Cour internationale déclare, hein, qu'il s'agisse de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale qui est également compétente pour la situation à Gaza. On ne doit pas attendre que ces cours internationales donnent leur verdict final à cet égard. On doit immédiatement prendre des obligations, enfin prendre des mesures pour prévenir le génocide, qu'il s'agisse d'adoption par exemple de sanctions pour faire pression sur l'État qu'on soupçonne de pouvoir commettre un génocide, ou bien ne pas lui fournir une aide ou une assistance qui lui permettrait de poursuivre ses opérations en ce sens. Et évidemment, au premier chef, il y a la vente d'armes ou d'équipements militaires de manière plus générale qui pourraient servir aux opérations. Il faut d'ailleurs préciser que même les obligations de prévention en la matière, elle ne vise pas que le risque de génocide, c'est bien plus large que ça. Ça vise les atteintes aux droits humains de manière plus générale. Ça vise la commission de crimes de guerre qui peuvent être d'une ampleur nettement moindre qu'un génocide ou de crimes contre l'humanité. Donc en réalité, ce n'est même pas uniquement au regard du concept de génocide que les États ont des obligations en la matière. C'est plus généralement par rapport à des violations graves du droit international où il y a un devoir de ce qu'on appelle la non-assistance. On ne peut pas assister à des violations ou au maintien de violations commises par un État. Donc je dirais que de ce point de vue-là, les États, notamment les États occidentaux en général, les États européens en particulier, et la Belgique encore plus spécifiquement, ont toute une série d'obligations en la matière de prévention, voire de prendre des mesures plus proactives comme des mesures de sanctions à l'égard de toute personne qui serait de nature à participer à la commission du génocide ou plus généralement à des violations graves du droit international. Alors, dans une certaine mesure, la Belgique a répondu à ses obligations en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de licences d'exportation d'armes à destination d'Israël ou en suspendant les quelques licences d'exportation qui pouvaient encore subsister. On sait qu'avec le transit, ça a été plus compliqué parce que manifestement, des avions apportant des armes à Israël ont quand même pu transiter par certains aéroports à Liège ou des ports à Anvers, par exemple. On a adopté certaines mesures juridiques alors pour essayer de faire en sorte que ça puisse plus se reproduire avec certaines incertitudes juridiques à cet égard. Donc il faudra encore, si je puis dire, pleinement bétonner tout cela pour s'assurer de manière absolue qu'il n'y aura pas de transit et qu'il n'y aura pas également de survol aérien de l'espace belge à cet égard pour bien éviter qu'en aucune manière le territoire de la Belgique puisse être utilisé pour amener de l'aide qui pourrait servir à la fois au génocide, mais plus généralement en réalité à la persistance de l'occupation militaire israélienne. Merci beaucoup François. Alors il y a peut-être des éléments à ajouter. S'agissant peut-être de la démonstration de l'existence d'un génocide à Gaza. Au regard de la jurisprudence internationale, l'élément toujours qui est le plus délicat à établir, c'est l'intention génocidaire. Si on prend les actes matériels qui sont repris par la Convention sur le génocide, on a des actes qui sont très généraux, comme les meurtres de membres d'une population. En réalité, ça peut se rencontrer dans de très nombreux conflits sans que pour autant il y ait un génocide. Ou des atteintes à l'intégrité physique, par exemple des viols ou de la torture, ou à l'intégrité mentale par plutôt des mesures beaucoup plus générales visant une population. Ça peut recouper des tas de situations qui ne sont pas forcément synonymes de génocide. Donc ce qui fait la spécificité du génocide, c'est l'intention génocidaire, c'est-à-dire l'intention de détruire une population en tout ou en partie, et par partie, on parle d'une partie substantielle de la population. Alors, en l'occurrence, à Gaza, on dénombre à l'heure actuelle, et c'est le chiffre évidemment le plus bas, c'est environ plus de 60 000 personnes. Selon les chiffres même de l'armée israélienne, ça recouvrerait plus de 83% de victimes civiles sur l'ensemble des victimes. Donc on voit que la population civile est très largement visée par les bombardements, qu'on peut estimer que ces bombardements sont très fortement indiscriminés. On voit que le système sanitaire a été très largement pris pour cible. Il n'y a pratiquement plus aucun hôpital en service à Gaza. Et comme on l'a déjà indiqué, il y a des entraves très substantielles à l'acheminement de l'aide humanitaire, soit avec une très forte diminution et même à certaines périodes avec une rupture totale, notamment au mois de mars 2025 lors de la rupture du cessez-le-feu. Et on voit que ça a pour effet actuellement d'avoir une véritable famine visant des centaines de milliers de Palestiniens, les autres étant de toute façon dans des conditions extrêmement difficiles également en termes d'accès aux biens essentiels à la survie. Donc ça, ce sont plutôt les éléments matériels. Et il faut pouvoir démontrer qu'à travers ce comportement, de toutes ces opérations, tous ces éléments de politique militaire envers Gaza, que Israël a bien une intention de détruire une partie substantielle de la population palestinienne de Gaza. Au regard de la jurisprudence, il y a deux moyens pour le démontrer, pour le prouver. Soit il faut des déclarations relativement explicites, soit il faut démontrer que tous les éléments des opérations sur le terrain permettent d'induire une ligne de conduite qui ne peut s'expliquer que par cette intention de détruire la population civile. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on peut bien considérer que les deux éléments se conjuguent pour démontrer l'intention génocidaire. On a un nombre invraisemblable de déclarations de dirigeants israéliens qui vont dans le sens à la fois d'estimer l'ensemble de la population civile de Gaza coupable envers Israël, et donc on ne doit pas faire la distinction entre les civils et les combattants du Hamas. On a une volonté de destruction qui souvent a été très largement affichée, notamment par le ministre de la Défense Israël Katz, qui au mois de mars, lors de la rupture du cessez-le-feu, a annoncé en s'exprimant à destination des résidents de Gaza, c'est-à-dire l'ensemble de la population civile, et il leur a dit « soit vous vous débarrassez du Hamas et vous rendez les otages, soit vous ferez face à la destruction totale ». Et vous n'imaginez pas l'enfer que vous allez vivre. Donc c'est extrêmement explicite. C'est très rare que dans des conflits ou dans des cas de génocide, on ait des déclarations aussi explicites de volonté de destruction par un dirigeant qui est évidemment directement en charge des opérations. Et puis on a d'autres ministres, évidemment, on connaît très bien les ministres Ben-Gvir et Smotrich, les plus extrémistes du gouvernement israélien, qui a de très nombreuses reprises ou des déclarations génocidaires sans jamais être spécialement recadrées et sans faire l'objet, évidemment, d'une démission forcée si on avait voulu réprimer spécialement leurs propos. Et puis sur le terrain, on voit que les opérations militaires et toutes les opérations ont duré pratiquement 2 ans sans dévier une seule seconde, si je puis dire, de leur objectif et des effets que ça a sur l'ensemble de la population civile de Gaza. Lorsqu'on détruit pratiquement tous les hôpitaux de Gaza avec les effets absolument délétères que ça a sur la population civile, ça ne peut avoir que comme volonté de s'en prendre à l'ensemble de la population civile et faire en sorte que si la population civile demeure à Gaza, elle va forcément être frappée de maladies, d'autant que par ailleurs, vu le très faible accès aux besoins essentiels, aux vivres pour pouvoir continuer à mener une existence digne de ce nom au sein de la bande de Gaza. Évidemment, si les personnes restent là, elles vont finalement finir par dépérir. Et donc on a à la fois cette commission d'actes qui s'en prend à l'ensemble de la population civile et qui ne peut que mener à sa destruction. Et quand on parle de destruction, ça vise à la fois les morts actuels, mais aussi ceux qui vont nécessairement dépérir au fur et à mesure. Donc on doit prendre les effets à moyen et même à long terme. Et que le but est de ne laisser qu'un seul choix à la population civile de Gaza, c'est partir de Gaza. Soit vous restez et vous allez dépérir nécessairement, soit à un moment donné vous allez devoir accepter, entre guillemets, de partir dans le désert du Sinaï, en Somalie, au Soudan ou une autre destination où finalement le seul moyen de subsistance sera de devoir partir, ce qui sera de toute façon ce qu'on appelle une déportation, ce qui est également un crime contre l'humanité. Donc c'est un peu le choix entre périr de génocide ou être déporté de force à un moment donné. Donc ce sont tous ces éléments qui, à mon sens, font en sorte qu'on peut désormais qualifier avec une quasi-certitude la situation à Gaza de génocide. Et d'ailleurs, ça fait de plus en plus consensus, à la fois parmi les historiens spécialistes du génocide, mais aussi parmi les juristes de droit international. Récemment, parmi les juristes francophones, il y a une carte blanche qui a réuni plus de 200 spécialistes de droit international et qui se sont mis d'accord sur le fait que, en tout cas, au regard des derniers événements, manifestement, il y avait une intention génocidaire dans le chef d'Israël. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était l'interview avec François Dubuisson. J'ai trouvé ça très intéressant, franchement. Voilà, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Demain, nous sommes de nouveau là, comme les jours et les semaines qui viennent. Tout au long du voyage de la flottille mondiale du CEMUT. Et demain, nous aurons une interview avec Christophe Wasinski. Et nous parlerons de l'armement et de l'armement produit par Israël et de l'armement qui transite vers Israël un peu. Ou qui est exporté vers la Belgique. Oui, tout à fait. Voilà. À demain. À demain. Radio. Radio Free Gaza. Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire, Bélux. Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h. En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM. Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles. Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous. Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.